Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Comment évoluent les concepts scientifiques au fil des époques? Pour avancer, quelle place un chercheur doit-il laisser au doute? Et à quoi pourrait ressembler le monde de la recherche dans deux siècles? Voici quelques-unes des questions qu'aborde le physicien et essayiste Jean-Marc Lévy-Leblond dans son dernier ouvrage « Tube à essai » aux éditions du Seuil. Nous allons nous livrer avec lui dans un instant à une petite séance de culture physique. La possible découverte dans une météorite d'une protéine d'origine extraterrestre et l'étonnante physiologie des femelles d'une espèce de wallaby qui leur permet d'être continuellement en gestation, nous en parlerons dans la revue d'actu vers 15h40. En deuxième heure, le microbiologiste Francis Martin nous emmènera sur les sentiers forestiers de la planète à la découverte des alliances pour la vie qui se nouent en toute discrétion entre les arbres et les champignons. Et en toute fin d'émission, nous partirons sur la piste des mammouths avec le paléogénéticien Régis De Bruyne. Voilà pour le parcours du jour. Cette émission est réalisée par David Leprince. Elle a été préparée par Thomas Lehété et Claire Tesser. France Inter. Synapse, Daniel Fievé. L'histoire des sciences est intéressante parce que précisément, elle plonge les sciences dans l'univers humain. Je me souviens très bien avoir été bombardé quand j'étais jeune dans une classe de taupes. Vous savez, les préparations à la polytechnique. Et alors évidemment, ils méprisaient beaucoup la philosophie, puisque c'était des scientifiques. Alors, je les ai eus en leur demandant simplement « Donnez-moi le programme de mathématiques de polytechnique ». Alors, ils m'ont donné le programme et je l'ai daté. Alors j'ai dit, vous savez, ce que vous apprenez là, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce que vous apprenez là, c'est le 17e siècle. Ce que vous apprenez là, c'est le 18e. Et tout ce que vous avez de moderne, c'est à peine le début du 19e siècle. Ils étaient absolument humiliés, vous voyez. Et j'ai dit, mais c'est ça votre la science. La science a une histoire. Et du coup, vous voyez, ils s'intéressaient tout d'un coup de manière différente à la science qu'ils étudiaient. C'est très difficile d'être à voix scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. Une voix qui nous manque, celle de Michel Serres, philosophe et historien des sciences, qui nous a quittés le 1er juin 2019. De l'histoire des sciences et de la philosophie, il y en a dans votre dernier livre intitulé « Tube à essai » paru aux éditions du Seuil. Jean-Marc Lévy-Leblond, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur émérite à l'université de Nice, essayiste, ardent défenseur de la mise en culture des sciences. Une réaction à ce que l'on entendait de la part de Michel Serres? Oui, je suis absolument d'accord, évidemment, avec le point de vue qu'il développe, mais je n'aurais pas formulé sa dernière phrase de la même façon, puisqu'il dit « vous serez scientifique et littéraire ». Moi, je souhaiterais que la distinction soit abolie, qu'on ne soit ni l'un ni l'autre, ce qui équivaudrait à être mieux que les deux à la fois. Ouais. Vous avez d'ailleurs vous-même longtemps hésité au moment de vos études, quand vous étiez tout jeune, entre la philosophie et les sciences physiques. Vous avez décidé... Oui, enfin tout m'intéressait, aussi bien la littérature que l'histoire, que la philosophie, que les sciences inhumaine et asociale. Alors vous avez choisi la physique, on vous doit d'ailleurs quelques succès dans ce domaine. Vous avez aussi continué à philosopher, à vous intéresser à l'histoire des sciences, publié de nombreux essais. Pour vous, vraiment, on gagnerait à étudier davantage l'histoire des sciences quand on est chercheur? Oui, bien sûr, parce que sinon, ça équivaudrait à reconnaître que la science est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il ne viendrait à l'idée de personne, par exemple, d'enseigner la philosophie ou l'art ou la littérature sans faire une part importante à leur histoire. Donc l'idée que la science pourrait s'enseigner indépendamment de son histoire équivaudrait à lui donner un statut tout à fait exceptionnel, aberrant, et qu'elle ne mérite heureusement pas. Alors on s'en rend compte, hein, en lisant votre ouvrage, certaines notions, même qui nous pourraient nous sembler simples, ont évolué au fil de l'histoire. C'est le cas de la vitesse, par exemple. Alors c'est une grandeur qui nous semble simple, exprimer une vitesse par une valeur numérique nous semble banal, ça n'a pas toujours été évident. Non, c'est un excellent exemple que vous choisissez là, parce que pendant très longtemps, la notion de vitesse est une notion qualitative. On va plus ou moins vite, c'est sûr qu'on va plus vite à cheval qu'à pied, mais ça suffit pour la plupart des besoins pratiques, jusque assez tardivement, c'est-à-dire jusqu'au moment où la technique commence à demander des définitions un peu plus précises. Et ce n'est qu'au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire avec le début d'une formalisation, d'une mathématisation de la physique, que Galilée va proposer une définition de la vitesse en divisant l'intervalle parcouru, la longueur, par le temps mis à le parcourir, ce qui est très étrange, parce que de prime abord, dans la tradition ancienne, on ne peut diviser que des grandeurs du même ordre. Vous pouvez diviser une longueur par une longueur, une surface par une surface. Diviser une longueur par un temps, c'est très très étrange. Oui. C'est-à-dire parler de mètres par seconde, de kilomètres par heure, ça n'a pas toujours été de soi. Ça fait 4 siècles, c'est pas beaucoup. Oui. C'est très peu à l'échelle de l'histoire de la pensée humaine. C'est aussi Galilée qui va apporter l'idée que la vitesse est relative. Oui, absolument. Alors, il y a des précurseurs, dont un et non des moindres, et Giordano Bruno qui fut brûlé sur le Campo dei Fiori en 1600. Et que Galilée, par prudence, évidemment, on peut le comprendre, ne cite pas quelques années après, mais c'est Galilée qui va être le plus explicite là-dessus. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si vous êtes vous-même sur un bateau. Aujourd'hui, on emploie des trains, des fusées comme exemple. Galilée n'a évidemment que les bateaux. Qu'est-ce qui se passe? Comment décrire le mouvement si vous êtes sur un bateau en mouvement? Et donc Galilée est le premier à expliciter de façon très claire que si le mouvement est à vitesse constante, ce qu'on appelle aujourd'hui un mouvement uniforme, il n'y a pas de différence. Vous vous enfermez dans un très beau passage, dit-il, à fond de cale dans un bateau, et s'il n'y a pas de houle, pas de ballottement du navire à la surface de l'eau, vous ne pourrez absolument pas savoir, par quelque expérience que ce soit, si le bateau est immobile à quai, ou s'il est en train de se déplacer à vitesse constante. Donc le mouvement est relatif. Ou pour le dire d'une façon un peu plus provocante qu'utilise Galilée ailleurs, c'est le mouvement, sous-entendu à vitesse constante, le mouvement est comme rien. Il n'y a pas, et ça c'est totalement à l'opposé de la thèse aristotélicienne, il n'y a pas de différence de nature entre le repos, l'immobilité et alors, le mouvement. Ça amène à une réflexion encore plus vertigineuse, c'est-à-dire que nous, comme nous sommes là, assis dans notre siège, dans ce studio, nous évoluons, si l'on change de repère, à une vitesse folle, parce que la Terre tourne sur elle-même, qu'elle tourne autour du Soleil, que le Soleil lui-même, le système solaire, tourne autour du centre de la galaxie, on arrive à des vitesses vertigineuses. Par rapport au Soleil, c'est environ 30 km par seconde. Le temps que je prononce un son, A, nous avons fait 30 km par rapport au Soleil. Et par rapport au centre de la galaxie, alors là c'est beaucoup plus. 200 km par seconde. Autrement dit, nous sommes, à l'heure où nous parlons, dans un mouvement incroyable. Ça dépend par rapport à quoi? Par rapport à la Terre, nous ne bougeons pas, nous avons les pieds sur Terre. Donc par rapport à la Terre, nous sommes immobiles, par rapport au Soleil, nous bougeons, par rapport à la galaxie, nous bougeons encore plus, etc. Ouais. C'est l'illustration parfaite de la notion de relativité, qui donc n'a pas été inventée par Einstein. Einstein a modifié, enrichi, développé la théorie de la relativité, mais elle préexistait depuis 4 siècles. Autre curiosité en s'intéressant à la vitesse, elle s'additionne, mais jusqu'à un certain point. Si j'avance à 5 km dans un TGV lancé à 300 km par heure, je vais à 305 km/h. Par contre, si j'allume une lampe torche dans ce TGV, la lumière émise, elle, ne va pas augmenter de 300 km. Oui, alors ça, c'est là qu'on rejoint Einstein, c'est-à-dire que la loi d'addition des vitesses qui nous est familière et que vous rappeliez, vaut pour des vitesses relativement faibles. Mais elle ne peut pas valoir pour des vitesses très très grandes, puisque nous savons depuis le début du XXe siècle qu'il y a une vitesse limite, qu'on appelle en général vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Donc, si vous êtes dans votre train et que vous allumez votre lampe torche, la lumière, les photons font 300 000 km par seconde dans le train, mais ils font aussi 300 000 km par seconde par rapport à la gare. Et ça veut donc dire que la notion même de vitesse et corrélativement les notions d'espace et de temps doivent être modifiées. Mais alors on peut se rassurer, les physiciens ont montré, mais assez tardivement, il leur a fallu un bout de temps pour comprendre ça, qu'il y a d'autres définitions de la vitesse que la vitesse dont nous parlions tout à l'heure, la vitesse galiléenne, rapport de la distance parcourue et temps parcouru, on peut redéfinir la vitesse de telle façon qu'elle s'additionne de nouveau. Et dans ce cadre-là, cette nouvelle vitesse que les physiciens appellent rapidité, on se débarrasse de beaucoup de paradoxes parce que si la vitesse au sens traditionnel de la lumière est de 300 000 km par seconde, sa rapidité est infinie. Et donc on comprend bien que si je vous rajoutais quoi que ce soit à l'infini, ça reste l'infini. Ouais. Dans tout ce processus d'acquisition des connaissances, on s'en rend compte. Pour avancer, il faut savoir douter de certaines affirmations considérées comme vraies. C'est en doutant des travaux et des conclusions de leurs prédécesseurs que les scientifiques peuvent découvrir de nouvelles choses. Alors on revient à Galilée en s'intéressant à la chute des corps. Il en est venu à remettre en cause des théories d'Aristote. Eh bien moi je dis que les objets, s'ils sont quelque peu massifs, tombent tous à la même vitesse, quel qu'en soit le poids, et je vais vous le démontrer. Vous permettez ? Je prends cette boule de papier dans une main et cette boîte à sable dans l'autre. Je les lâche en même temps, ils vont arriver au sol ensemble. Mais quelle diablerie utilisez-vous ? Je n'utilise aucune diablerie. Faites l'expérience vous-même. Je comprends pas. Aristote, pourtant, avait fait lui-même cette expérience. Il disait... Le gland tombe plus vite que la feuille de chêne. Exactement. Comment expliquez-vous cette contradiction ? Moi aussi, les observations d'Aristote m'ont longtemps troublé. J'ai réfléchi longtemps. Depuis 2000 ans, personne n'avait contredit Aristote sur ce point. Je me trouvais intimidé, comme devant une montagne. Et puis un matin, j'ai eu tout à coup une illumination. J'ai trouvé, Aristote avait oublié une donnée essentielle, la résistance de l'air. La feuille de chêne est plate et légère. Lorsqu'elle tombe, l'air agit sur elle pour l'empêcher de tomber. Le gland, lui, au contraire, est compact. L'air n'a pas de prise sur lui ou très peu. Sa chute est libre. Alors le poids n'a aucune influence sur la chute ? Aucune. Claude Riche incarnant Galilée dans Galilée ou l'amour de Dieu. Il faut un certain courage, du culot même, pour oser remettre en question comme ça ce que les illustres prédécesseurs ont déclaré comme vrai avant nous. Certes, le cas de Galilée est tout à fait emblématique. C'est effectivement l'un des grands génies de la physique et de la science en général. Ce n'est pas le cas de nous tous, physiciens, hein, qui sommes des tâcherons de la science, comme disait Bachelard. À notre petite échelle, cependant, effectivement, il nous faut de temps en temps nous poser la question de savoir si ce que nos collègues immédiats ont trouvé est solide. Et de fait, étant donné les conditions dans lesquelles se pratique la science aujourd'hui, c'est des appareillages incroyablement compliqués, des formalismes mathématiques extraordinairement sophistiqués, nous nous trompons beaucoup. Nous nous trompons énormément. Et donc la vigilance par rapport d'abord à nos propres erreurs est tout à fait essentielle. Ouais. Et ensuite, il faut tout un processus de vérification et qui parfois échoue jusqu'à la publication de résultats faux. Vous qui faites des chroniques, vous le savez mieux que personne. Vous rappelez-vous l'affaire des neutrinos qui allait plus vite que la lumière, ouais, il y a quelques années. Oui, il y a quelques années, c'était en 2012, on a annoncé, c'était une erreur. Les chercheurs du CERN ont dit, on a trouvé des particules, des neutrinos qui vont plus vite que la lumière. Et là, une partie de la communauté scientifique a décidé de trouver une explication théorique à ce phénomène, alors que c'était une observation fausse. Alors, c'est un exemple très intéressant parce qu'il relie les aspects proprement épistémologiques, c'est-à-dire la discussion du statut des connaissances scientifiques, à l'exercice pratique de la science. C'est-à-dire, pourquoi ces gens ont publié cette expérience-là ? Parce que si ces résultats étaient vrais, c'était une révolution majeure. C'est-à-dire qu'effectivement, ça venait contredire la formulation einsteinienne, ouais, de la théorie de la relativité. Donc, même s'ils avaient eux-mêmes quelques doutes, et d'ailleurs, dans l'équipe qui avait fait l'expérience, ouais, il y a quelques chercheurs qui ont refusé de signer le papier en disant « on n'est pas assez sûr », ouais, même s'il y avait quelques doutes, ils se sont dit « faut pas laisser à d'autres la priorité d'une découverte éventuelle majeure ». Ouais. Donc là, on voit comment la compétitivité peut entraîner des effets pervers. Et du côté des théoriciens, ça a été pareil. C'est-à-dire que la plupart des théoriciens étaient extrêmement sceptiques, mais certains se sont dit, après tout, pourquoi pas ? Et on a publié des dizaines de papiers pour essayer d'expliquer ce phénomène-là. Ouais. C'était des papiers révolutionnaires. Il fallait, ouais, changer des choses très profondes avant de s'apercevoir qu'il y avait un bug assez trivial, d'ailleurs, dans l'expérience. Ouais. Mais ça pose la question de la place du doute en science. Évidemment, c'est fructueux de douter, de remettre en question. Et puis parfois, ça nous amène à faire fausse route. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il est extrêmement difficile de donner des consignes fermes, ouais. De dire aux étudiants « doutez toujours ou ne doutez jamais ». Parce que une des caractéristiques des très grands esprits, des génies comme Galilée, comme Newton, comme Einstein, c'est de passer par-delà leurs propres doutes. Claude Riche le disait très bien tout à l'heure, ouais. Par rapport au cas de Galilée. Ouais. Il bute sur quelque chose, mais il se dit « mais quand même ». Et donc, très souvent, les grandes avancées scientifiques se font parce que leurs protagonistes ont une telle confiance en eux, un peu de paranoïa, ne fait pas de mal dans ce cas-là, qu'ils disent « bon, j'ai peut-être pas tout compris, je suis pas très sûr, mais je suis sûr que c'est vrai ». Et ils y vont. Et alors, évidemment, quand ça marche, c'est formidable, mais on peut se planter, et même les plus grands, hein, Galilée, Einstein, ont fait des erreurs et ont publié des erreurs. Il faut du doute et des certitudes, en fait, pour avancer en science. Il faut du risque, je dirais. Il faut du risque. C'est-à-dire que il faut être très prudent. Et puis, il y a un moment où vous dites, bon, ben, j'y vais. Je n'arrive plus à voir ce qui pourrait contredire mon idée. Donc voilà, je la publie, je laisse à d'autres le soin de voir si ça va fonctionner ou pas. Et ce « je laisse à d'autres » est très important parce qu'il matérialise le fait que ça ne peut être qu'une aventure collective. Jean-Marc Lévy-Leblond, nous allons continuer avec vous cette séance de culture physique. Dans votre ouvrage, vous avez imaginé, nous allons le voir, le futur de nos sociétés et de la recherche dans 2 siècles. Vous avez imaginé des scénarios assez terrifiants, il faut bien le dire. Nous allons en parler dans la suite du Vent dans les synapses. Il y a un texte de Nietzsche. La science, dit-il, apporte beaucoup plus de joie à celui qui fait de la recherche qu'à celui qui l'apprend. Le goût du vrai, dit-il, disparaîtra à mesure qu'il nous apportera moins de plaisir. Une phrase incroyable. Le goût du vrai va disparaître à mesure qu'il nous apportera moins de plaisir. France Inter. Speaking to me. There's a French girl on my television. She's crying in the palm of my eye. In moving metal, I read the paper. Who just a photo? I read one out. There's a massacre across the ocean. I can see it in the palm of my hand. Me hundo cada vez más hondo. C'était King Krul, Cellular. France Inter. Bienvenue dans mon laboratoire. Du vent dans les synapses. De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Traduction d'un... Regarde, je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici, le présent, 1985. Là, le futur, et là, le passé. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. En tout cas, cela montre comment les voyages dans le temps peuvent être utilisés à mauvais escient et pourquoi le véhicule spatio-temporel doit être détruit. Notre seule chance de remédier au présent est dans le passé, au point précis où la ligne du temps a obliqué dans cette direction. Vous avez reconnu Marty McFly et le Doc de Retour vers le futur. Je suis toujours en compagnie du physicien Jean-Marc Lévy-Leblon. Dans les deux premiers chapitres de votre livre, Jean-Marc Lévy-Leblon, Tube à essai aux éditions du Seuil, vous vous livrez, vous aussi, à un exercice de science-fiction. Alors, une obscure faille spatio-temporelle vous donne accès à des pages internet datées de 2218 et qui racontent l'histoire des sciences au 21e siècle. Alors, vous avez la chance d'avoir accès à deux versions de 2218, mais alors à dire vrai, aucune de ces deux versions n'est franchement réjouissante. Vous m'avez dit là à l'instant, vous n'avez pas cédé aux sirènes de la collapsologie, puisque le premier scénario, qui est le plus apocalyptique, vous l'avez imaginé il y a bien longtemps. Oui, une bonne dizaine d'années. Alors je ne suis pas le premier à faire de la collapsologie, mais disons que ça n'était pas à la mode comme ça l'est aujourd'hui. Alors comment vous l'imaginez, ce futur de 2218, dans ce premier scénario ? Alors, j'imagine un futur possible. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est plausible, mais qui est possible, et qui est un futur extrêmement sombre, où le 21e siècle se caractérise par deux strates successives. La première, dans laquelle nous sommes, là ça n'est pas de la futurologie, c'est ce qui s'est amorcé dès la fin du 20e, disons la deuxième moitié du 20e, c'est le rôle de plus en plus important de l'économie marchande dans le développement de la recherche scientifique. D'une part, à cause des applications potentielles des nouvelles découvertes, et d'autre part, parce que la science elle-même devient non seulement fournisseuse de nouvelles technologies, mais consommatrice. Faire des grands appareils, les télescopes spatiaux, les accélérateurs de particules, ça exige des appareillages d'une complexité extrême. Donc ce nous-là, un lien extrêmement étroit entre développement scientifique, développement technologique et ingénierie. Et ce développement est en train de devenir si puissant que la technologie reflue vers l'amont de la science. Ça devient tellement compliqué de faire des grandes expériences, et en même temps ça peut rapporter tellement, le cas échéant, de faire une nouvelle découverte, que la ligne aujourd'hui, et vous le savez bien, le maître mot, c'est innovation, innovation, innovation. Innovation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire innovation technologique, de façon à fournir aux entreprises, si possible aux plus grandes d'entre elles, les moyens de nous offrir des appareils dont il n'est pas vraiment sûr que nous ayons besoin. Est-ce qu'on a besoin du 10e téléphone portable de sa série ? Vous n'en avez pas, personnellement. Moi, de, j'en ai de pas, smartphone. Je ne dis rien contre. C'est pas évident. C'est-à-dire qu'on voit bien là à quel point la logique marchande, vous vendre de plus en plus d'appareils, l'emporte sur des objectifs qui seraient des objectifs, disons, de ressources humaines véritablement prégnantes. Alors ça, c'est le premier élément dans lequel nous sommes. La science est commandée aujourd'hui par cet objectif d'innovation technologique. La future loi en préparation par notre actuel gouvernement renforce complètement cette dimension-là. Et ensuite, il se pourrait, alors c'est là que ça devient plus problématique, c'est là qu'intervient mon scénario, il se pourrait que des événements véritablement catastrophiques surviennent vers le milieu du XXe siècle. Là, j'imagine des expériences de contrôle climatique qui tournent mal, famine généralisée, entraînant des bouleversements politiques, eux-mêmes entraînent des guerres catastrophiques, etc. On a la troisième guerre mondiale avec conflit nucléaire qui entraîne un hiver nucléaire, des armes bactériologiques, biologiques qui déciment la moitié de la population de l'hémisphère nord. Et là, on sent l'ironie de votre histoire. Les habitants de l'hémisphère nord migrent vers l'hémisphère sud comme un Eldorado, mais en fait, ils déséquilibrent totalement la partie sud de la planète. Et au final, on se retrouve avec des petites communautés humaines isolées dans de grands espaces désertiques. C'est l'apocalypse, hein. Oui, mais alors c'est là que je repars, parce que ma conclusion n'est pas entièrement négative, elle vise à donner une, par-delà l'apocalypse, à faire émerger une utopie dont on pourrait tirer les leçons aujourd'hui, qui est l'idée suivante, c'est que dans une humanité qui serait divisée ainsi en sociétés de taille réduite, quelques milliers, au plus quelques centaines de milliers de personnes, séparées les unes des autres, mais liées par des réseaux d'échanges, on peut imaginer que la situation se stabilisant un peu, les gens retrouvent de l'appétit pour la science, l'intelligence, la recherche, mais tentent de mettre à profit les leçons de leur passé et se disent désormais, on revient au début de notre conversation, et se disent désormais, ça serait peut-être pas mal de faire des recherches scientifiques sans oublier l'histoire, sans oublier la philosophie, sans oublier les sciences humaines et sociales. Mmh. Et donc, en jouant sur un éventail de savoirs qui ne mettent pas au premier plan les sciences dures, inhumaines et asociales, comme j'aime dire, mais qui mettent au premier plan, au contraire, les sciences humaines et sociales pour tenter d'avoir une meilleure maîtrise et contrôle à la fois économique et politique de la recherche scientifique. Alors le deuxième scénario est moins apocalyptique, mais pas très optimiste tout de même. Beaucoup d'impasses pour la recherche, notamment dans le spatial finalement. Beaucoup de grands projets actuels arrivent dans l'impasse. Les technosciences prennent le dessus, à tel point que les géants du numérique, les fameux GAFAM, prennent les rênes du comité d'attribution des prix Nobel. Autrement dit, on n'est plus dans la recherche désintéressée, la soif de connaissance, la recherche fondamentale, mais tout cela est très orienté vers la recherche appliquée et les technologies. Oui, alors là, c'est un scénario qui, d'une certaine façon, est plus crédible parce qu'il a des antécédents historiques. C'est une illusion de penser que toute société développée s'intéresse nécessairement à la connaissance en tant que telle. Nous vivons encore dans ce monde-là depuis quelques siècles, mais ça n'a pas toujours été le cas. Comparer la civilisation grecque et la civilisation romaine. Chez les Grecs, évidemment, des grands mathématiciens, des grands physiciens, des grands astronomes, leurs noms viennent sur les lèvres immédiatement, de Pythagore à Euclide, en passant par Hipparque, Archimède, et j'en passe. Par contre, si je vous demande, à vous, Daniel Féjet, de me citer un grand savant romain de la même ampleur. Alors je sèche, mais c'est pas forcément signe qu'il n'y en a pas. Hein. C'est signe qu'il n'y en a effectivement pas. Rome, qui est une immense civilisation, qui domine en tout cas tout le monde occidental pendant plusieurs siècles, les Romains sont de très grands architectes, des juristes, des stratèges, tout ce que vous voulez. La science en tant que telle, le savoir en tant que tel, ne les passionne pas. On peut dire la même chose si on prend la civilisation arabo-islamique, qui pendant quelques siècles est la maîtresse des sciences, depuis Samarcande jusqu'à Saragosse, la science se fait en arabe, en persan aussi, mais en arabe. Et puis, ça finit par stagner et s'effilocher, pour des raisons d'ailleurs compliquées, pas encore vraiment bien comprises, avant que, quelques siècles plus tard, l'Occident ne reprenne le relais. Mmh. Donc l'idée d'une société développée, prospère, pacifique, tout ce que vous voulez, qui serait nécessairement une société s'intéressant à la connaissance scientifique, c'est une idée fausse. Pourrait très bien, et c'est mon second scénario. Ouais. Autrement dit, peut-être que les 4 siècles qui s'achèvent seront une parenthèse dans l'histoire des sciences. Alors une parenthèse, j'espère qu'on n'ira pas jusque-là, mais un épisode, comme il y en a eu dans la Grèce, comme il y en a eu dans le monde arabo-islamique, un épisode d'une grande histoire des sciences qui serait, dans cette vision des choses, une histoire discontinue, fragmentée. Ça mérite évidemment qu'on réfléchisse à tout ça et que peut-être on installe les garde-fous qui empêchent ces scénarios un peu terribles que vous imaginez. Par le passé, des scientifiques se sont interrogés sur les répercussions de leurs découvertes et des avancées dans leur discipline. À l'image d'Einstein, voici la mise en garde qu'il faisait le 1er juillet 1946, le jour de la 4e explosion atomique qui secoua le Pacifique. I believe nothing else can. Just as we use our reason to build a dam to hold a river in check, we must now build institutions to restrain the fears and suspicions and greeds which move people and their rulers. They must have authority over atomic bombs. De même que nous nous servons de notre raison pour construire un barrage afin de contrôler le cours d'un fleuve, de même nous devons aujourd'hui construire des institutions qui contrôlerait la peur, la méfiance, l'avidité qui pousse les peuples et leurs chefs d'État. Elles doivent avoir autorité pour contrôler la bombe atomique et autres armes de guerre et le pouvoir de faire respecter cette autorité. Oui, il est difficile d'obtenir cela. Mais nous ne devons pas oublier que si la partie animale de la nature humaine est notre ennemi, celle qui pense est notre ami. Nous ne devons pas attendre 1 million d'années pour nous servir de notre faculté de raisonner. Nous pouvons et nous devons nous en servir maintenant. Sinon, la société humaine disparaîtra peut-être à jamais dans un nouvel âge d'obscurantisme plus sombre et plus terrible encore. Ah, vous avez certains points communs avec Einstein, Jean-Marc Leblanc. C'est gentil de me dire ça, mais enfin, bon. Qu'est-ce que vous pensez de cette mise en garde? Est-ce qu'il a été assez écouté? Ben non, manifestement pas. Regardez le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde qui est encore celui de la dissémination nucléaire. Il y a eu quelques progrès à la fin du XXe siècle, des traités, le traité SALT, qui ont réduit les arsenaux de façon tout à fait notable et positive. Mais nous sommes très très loin de compte et il y a des nations qui ne rêvent que de s'équiper d'armes nucléaires. Or, les grandes puissances en disposant, on voit pas très bien au nom de quoi elles interdiraient aux plus petites de s'en procurer, sans compter celles qui s'en procurent sans vouloir le dire. Israël, à la bombe, n'a jamais voulu le dire, et d'autres, sans doute, sont sur la même voie. Donc nous sommes très, très loin de compte dans cette affaire-là, et Einstein a été, heureusement, très, très écouté quant à ses découvertes, ses propositions scientifiques, mais très peu sur le plan politique, parce que aujourd'hui, les rapports de pouvoir sont bien plus importants que les conditions du savoir. De façon plus générale, hein, pas uniquement sur le problème des bombes nucléaires, les scientifiques devraient-ils davantage se soucier des conséquences de leur découverte? Personnellement, je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que les scientifiques devraient se soucier beaucoup plus de la façon dont les non-scientifiques comprennent ou ne comprennent pas les découvertes scientifiques. Je ne pense pas que les scientifiques aient une responsabilité morale très supérieure aux autres dans l'usage des découvertes. Par contre, ils ont une responsabilité extrêmement importante, morale, éthique, quant à la possibilité pour les profanes d'accéder à ces découvertes. Oui. D'ailleurs, à la fin de votre premier scénario, hein, le plus catastrophiste que vous avez imaginé, vous écrivez qu'après la catastrophe, les chercheurs, qui sont devenus des rechercheurs d'ailleurs, se firent une obligation de mener de pair la production et la diffusion des connaissances. Dans cette même perspective, ils comprirent que le renouveau de la science exigeait sa remise en culture. Et là, on arrive sur la mise en culture des sciences, qui est une idée que vous défendez depuis maintenant de nombreuses années, qui a été beaucoup reprise. Est-ce qu'elle a été bien comprise? Je ne sais pas. Il faudrait demander aux gens qui ont repris cette formulation. Moi, je ne parle pas justement de culture scientifique, parce qu'il me semble que le mot culture, dès qu'on lui met une étiquette, que ça soit scientifique ou littéraire ou tout ce que vous voulez, il perd sa valeur même. Pour moi, la culture, c'est comme la République française. Elle est une et indivisible. Par contre, ce qui lui manque en ce moment, c'est justement sa dimension scientifique. Donc je pense qu'il faut, pour avoir le droit aujourd'hui de parler de culture au sens large, il faut que la science soit réintégrée dans la culture. C'est pas tout à fait la même idée que celle qui est plus courante de développement de la culture scientifique, et quelque chose qui est, à mon avis, un peu trop singulier. Moi, ce que j'espère, ce que j'essaye de faire à ma modeste échelle, c'est justement de lier le savoir scientifique a son contexte philosophique, littéraire, historique. Et c'est le propos de plusieurs des essais de ce livre. J'invente une lettre à Flaubert pour parler des rapports entre science et littérature ou d'autres exemples, c'est ça que je tente. C'est précisément ça, un tube à essais, le titre de votre ouvrage. Ce sont plusieurs essais dans des formes très différentes où, comme vous l'annoncez d'entrée de jeu, ça peut se lire dans des ordres différents avec le but de confronter un peu des points de vue. Vous parlez de matière de pensée et vous essayez d'en faire émerger des idées nouvelles. L'idée là, c'est un peu, j'utilise comme métaphore le passage des radiographies à la tomographie aujourd'hui. Alors il faut que vous nous précisiez ça. Oui, je le fais un instant. Une radiographie vous donne une image plate parce que c'est comme une photographie. Bon, vous photographiez en épaisseur, d'accord, mais tout est mis à plat. La tomographie, le scanner pour aller plus rapidement, ça consiste à éclairer avec des rayons de nature spéciale le corps que vous examinez de différentes directions. Et vous pouvez comme ça reconstituer sa tridimensionnalité. Et il me semble que nous avons besoin aujourd'hui de comprendre la matière scientifique, c'est-à-dire la science. Pourquoi je dis la matière scientifique? Parce qu'il m'importe, c'est la science telle qu'elle se fait. C'est pas seulement les idées, c'est pas seulement les concepts, c'est la pratique de la science. Il me semble que nous avons besoin de les éclairer avec des sondes qui peuvent être des sondes littéraires, cinématographiques, théâtrales, etc., qui peuvent nous en dire très long, plus que ce que nous, scientifiques, voyons. Ce que nous voyons, c'est une espèce de radiographie plate, et nous avons besoin de regards qui sont des regards beaucoup plus obliques et beaucoup plus transversaux. Est-ce que ce point de vue, cette façon de considérer les choses dans leur épaisseur, est suffisamment partagé par l'ensemble de la communauté scientifique? Je dirais non. Mais non, comment vous l'expliquez, ça? Alors, je pense que ça tient à des raisons tout à fait objectives qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait penser être des esprits limités ou bornés. C'est le fait qui est en relation avec ce que je disais tout à l'heure sur les liens qu'entretient aujourd'hui la science avec le développement économique en particulier, que les scientifiques sont astreints aujourd'hui à travailler dans des conditions qui sont des conditions extrêmement difficiles. Si je compare à l'époque de ma jeunesse, je vois bien que les jeunes scientifiques aujourd'hui, ils n'ont tout simplement pas le temps. Leur temps est pris par d'abord la recherche, non pas des connaissances, mais de l'argent. D'abord, chercheurs, la plupart du temps, ce qu'ils cherchent, c'est de l'argent. Et l'argent, vous ne le trouvez pas uniquement, et même de moins en moins, du côté de la puissance publique. Donc vous êtes obligé de démarcher les entreprises, tout le secteur privé, et vous faites des contrats. Mais des contrats, c'est des contrats. C'est-à-dire, il faut que vous rendiez en échange des résultats potentiellement utiles sur le court terme, là encore une fois. Aucune entreprise au monde, même les GAFA, même Jeff Bezos ou les autres, ne financera une recherche sur la nouvelle relativité qui verrait le jour dans 20 ans. Impossible. Et donc cette pression qui s'exerce aujourd'hui sur la pratique de la recherche est tout à fait contre-productive sur le long terme. Mmh. Elle peut produire des résultats utiles marginalement à court terme, mais par rapport au grand développement que nous souhaiterions, c'est tout à fait contre-productif. Merci Jean-Marc Lévy-Leblond. Votre livre s'intitule « Tube à essai ». Il est publié dans la collection Science Ouverte aux éditions du Seuil. Il aborde bien plus de notions et de points que nous n'avons pu le faire au cours de cet entretien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'avoir invité. En deuxième heure, nous irons nous balader en forêt avec le microbiologiste Francis Martin qui nous parlera de l'union pour la vie qui s'est tissée dans toutes les forêts du monde entre les arbres et les champignons. Et dans un instant, la revue d'actu avec au sommaire la possible découverte d'une protéine d'origine extraterrestre et les femelles wallabies en perpétuelle gestation. France Inter. Nous pensons que le but de la science est de servir l'humanité. Alors que manifestement pour vous la science n'est que poudre aux yeux ou arnaque. Ce n'est rien de nouveau. Mais si toute existence fut déjà notre esprit, s'abuse étrangement pour la seconde fois. Montrez votre image aux quelques antiques livres du temps où l'art d'écrire apparaissait au jour. J'aimerais voir ce que ce vieux monde a pu dire. Ah, j'en suis bien certain. Les esprits d'un autre âge à de moins beaux objets ont donné leur suffrage. Mon corps, la nuit, mon âme se voient ainsi privés du repos qu'ils réclament. Voir si nous progressons ou si nous faisons pire, si rien ne change au cours de nos révolutions. S'il n'est rien de nouveau, mais si toute existence fut déjà notre esprit, s'abuse étrangement pour la seconde fois. Ah, j'en suis bien certain. C'était bien certain, Ézéchiel Pélès. Du vent dans les synapses. Ma chère, la science exige bien des sacrifices. Daniel Fievé. Et autour de la table pour la revue d'actu, Mathilde Fontaise de Science et Vie et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Croyez-vous à l'existence des extraterrestres, Agence Scully? En toute logique, je devrais vous dire non. Mathilde Fontaise, vous ne nous annoncez pas encore la découverte de vie extraterrestre, mais on n'est pas loin des X-Files avec la possible découverte dont vous allez nous parler. Des chercheurs auraient découvert rien de moins que la première protéine extraterrestre. Oui, alors en fait, ces travaux n'ont pas encore été publiés, mais ils font déjà beaucoup de bruit. Il s'agit d'une équipe de l'université d'Harvard aux États-Unis qui a déposé son article sur le site Arxiv, comme ça se fait souvent, en attendant qu'il passe le processus de revue par les pairs et qu'il soit publié dans une revue scientifique. Sauf que vu la teneur de l'article, il n'est pas passé inaperçu, car effectivement, ces chercheurs annoncent la découverte de la première protéine extraterrestre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé une vie extraterrestre, mais ça voudrait dire qu'on a découvert une version extraterrestre de ces molécules qui, sur Terre, sont au cœur de la vie. Elles sont présentes dans toutes les cellules vivantes. La protéine est en quelque sorte la molécule prébiotique par excellence. Et on a déjà trouvé des molécules prébiotiques dans des météorites ? Oui, alors beaucoup de molécules organiques et des acides aminés, des briques de base, des protéines en fait. La sonde Rosetta par exemple a détecté de la glycine dans la comète Chury. Les météorites, l'étude des astéroïdes mais aussi les travaux en laboratoire ont montré que ces acides aminés s'agrègent assez facilement. En gros, dès qu'il y a dans l'environnement du carbone, de l'azote, de l'hydrogène et de l'oxygène, ça marche, ça forme une macromolécule organique. Donc jusqu'à maintenant, on avait des acides aminés et là, on aurait une protéine, c'est-à-dire un enchaînement d'acides aminés. C'est ça le stade supplémentaire. C'est ça le stade supplémentaire et il n'est pas anodin, car les protéines semblent se former beaucoup moins spontanément, dans les expériences en laboratoire notamment. Ça a d'ailleurs amené les spécialistes de l'origine de la vie à considérer quelles sont les étapes clés de la grande histoire du passage de la chimie à la biologie. Comment, à partir de petites molécules carbonées, un organisme se forme? Pour pouvoir raconter l'émergence de la vie, il faut comprendre comment les premières protéines se sont formées. Or, sur Terre, aujourd'hui, toutes les protéines sont fabriquées par la vie. On ne peut pas retracer leur formation abiotique. Découvrir une protéine extraterrestre permettrait donc d'étudier cet état originel, cet état particulier de la chimie prébiotique juste avant la vie, bref, d'éclairer notre origine. Et évidemment aussi d'avancer sur la grande question de l'émergence potentielle de la vie ailleurs que sur Terre, la vie extraterrestre. Et comment cette équipe a-t-elle procédé pour obtenir ce résultat qui, pour le moment, est, encore une fois, non publié, donc non validé par la communauté scientifique? Alors en fait, cette équipe a procédé de manière assez classique. Les chercheurs ont eu accès à des échantillons d'une météorite découverte en Algérie en 1990 et ils ont procédé à des analyses par spectrométrie de masse. Puis ils ont découvert une molécule carbonée très complexe, combinaison d'acides aminés et d'atomes supplémentaires qui, selon eux, est caractéristique d'un environnement extraterrestre. Ils l'ont nommée hémolytine. Et qu'en pensent les spécialistes du domaine alors ? Eh bien, ils sont circonspects, sceptiques, prudents, parce que d'un côté, une telle découverte n'est pas complètement incroyable en fait. Ça va dans le sens des recherches menées ces dernières années qui montrent que, malgré les conditions extrêmes qui règnent dans l'espace, il y a tout ce qu'il faut pour enclencher une chimie prébiotique. Mais comme je le disais, il y a un monde entre une macromolécule carbonée et une protéine. Donc pour avoir le fin mot de l'histoire, il va bien évidemment falloir attendre que cette étude soit publiée. L'équipe qui l'a menée d'ailleurs ne souhaite pas s'exprimer en attendant, ce qui est bien normal. Il va falloir attendre donc la suite au prochain épisode. Mais vous avez été suffisamment impatiente pour partager avec nous cette nouvelle, avec tous les bémols qu'il faut y mettre. Oui, on a souhaité partager cette nouvelle parce que déjà elle se répand de manière assez virale quand même sur internet et qu'on se dit que quand même nos lecteurs ou nos auditeurs vont avoir envie de savoir ce que Science et Vie en pense. Et d'autre part, c'est vrai que il s'agit pas d'une découverte complètement aberrante. Il s'agit pas de on a découvert E.T. Il s'agit d'une découverte qui est quelque part attendue par la communauté scientifique. Bon, il faudra venir nous en parler pour confirmer ou non cette possible découverte. Et maintenant, vous partez pour l'Australie ? C'est pas encore tout à fait décidé. C'est vrai que c'est tentant, surtout pour les curiosités locales. Les eucalyptus géants, les kangourous, Hugh Jackman. J'ai hâte d'y être. Et parmi les curiosités à ne pas manquer en Australie, il y a les wallabies bicolores, Sophie. On connaît la grande variété des modes de reproduction dans le règne animal, mais on n'avait encore rien vu. La femelle wallabie bicolore présente la particularité d'être en gestation permanente. Oui, c'est d'autant plus étonnant que chez les mammifères, la reproduction est une succession de cycles, l'ovulation, la fécondation, la grossesse et l'allaitement. Et chez les wallabies, qui sont des cousins de petite taille du kangourou, qui vivaient aussi en Australie, les biologistes avaient déjà remarqué une particularité assez étonnante chez les femelles, deux utérus distincts, deux utérus qui servent à tour de rôle. L'autre particularité bien connue, c'est un temps de gestation très court. Rappelons-le, le petit naît quand l'embryon n'a qu'un mois, il fait 2 cm, 1 g, et il est évidemment très très immature, et alors il va gagner finalement l'utérus de la mère en rampant sur sa fourrure. De l'utérus, il va aller jusqu'à la poche, où se trouvent les mamelles qui vont le nourrir pendant 9 mois, et ça n'est qu'au-delà de ce terme qu'il pourra sortir de la poche. Mais il me semble qu'on savait aussi qu'un autre petit prenait le relais dès que son aîné sortait de la poche. Exact. Un deuxième embryon reste en dormance le temps que le premier ait achevé son développement. C'est d'ailleurs pour cette raison que la femelle a deux utérus. Mais c'est encore une autre bizarrerie qu'ont découvert les chercheurs de l'université de Melbourne et leurs confrères de l'Institut de recherche sur les eaux et la vie sauvage de Leibniz en Allemagne. En effet, non contente d'enchaîner les gestations, la femelle wallaby bicolore conçoit avant même que sa grossesse précédente soit terminée, précisément 1 ou 2 jours avant la naissance. En somme, elle est en gestation de façon permanente. Oui, comme une sorte de tuilage au niveau des gestations. Comment les biologistes ont-ils fait pour s'en rendre compte, Sophie ? Ils ont fait des échographies et des prélèvements, tout simplement. Alors, ils ont étudié 10 femelles de wallaby bicolore en semi-captivité. Pour 4 d'entre elles, l'expérience a commencé au moment de la sortie du premier rejeton. C'est alors que démarre la deuxième gestation, si vous avez suivi. Oui. Ils ont anesthésié les femelles et donc ils ont pu, avec l'échographie, détecter l'embryon. Ils l'ont suivi pendant 30 jours jusqu'à ce qu'il sorte de l'utérus. Et dans l'autre utérus, ils ont vu apparaître le corps jaune au 28e ou 29e jour. Le corps jaune apparaît juste après l'ovulation. Par la suite, ils ont confirmé que vous avez compris cette différence d'un ou deux jours. Mmh. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'avait eu lieu la conception du petit wallaby suivant. Sur 6 autres femelles, ils ont utilisé une autre méthode. Ils ont fait un examen anatomique et ont trouvé des traces de sperme dans le vagin des femelles, justement lors de ces 2 jours de chevauchement de calendrier. Enfin, troisième preuve, pour 2 femelles qui se trouvent avaient perdu leur embryon le dernier jour de gestation, une échographie réalisée 10 jours plus tard a montré qu'elles avaient déjà développé dans l'autre utérus un embryon de 12 jours. Là encore, 10 jours, 12 jours. C'est donc, la fécondation n'était possible que si elle avait lieu à ce moment-là. Alors si je me laisse aller à de l'anthropomorphisme, je me dis que ça doit être épuisant pour ces femelles, mais pourquoi l'évolution a-t-elle sélectionné cette grossesse double ? C'est toute la question et finalement, c'est un mystère. Pour les scientifiques, peut-être que le fait de reprendre très vite une autre gestation, interrompue pour une raison X ou Y, permet l'arrivée du petit avec une date très peu différente. Et du coup, ça permettrait d'arriver au moment opportun de l'année, notamment au printemps, quand il y a beaucoup d'herbe ou qu'elle est haute. Peut-être aussi que chez cette espèce très solitaire et qui n'est pas grégaire comme les autres kangourous, c'est une manière d'attirer les partenaires. En tout cas, pour les scientifiques, ce sont des hypothèses, ils n'en ont aucune certitude. On tire notre chapeau, en tout cas, à ces femelles wallaby bicolores. Et dans le reste de l'actualité scientifique, Mathilde, la Terre a une deuxième lune. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, elle fait à peu près la taille d'une voiture et accomplit un tour de la Terre en 47 jours. Vu du sol, elle apparaît comme un minuscule point brillant, même avec un puissant télescope. Dans la nuit du 15 février 2020, une équipe d'astronomes du Catalina Sky Survey a découvert un nouveau satellite terrestre. Il s'appelle 2020 CD3 et d'après les analyses, il serait en orbite depuis 3 ans autour de la Terre. Depuis 3 ans, nous avons donc 2 lunes au-dessus de la tête. Mais cela ne va pas durer car 2020, CD3 est un satellite temporaire. Il est instable. Dans quelques mois, d'après les calculs des astronomes, il devrait repartir vers de nouveaux horizons, probablement reprendre une orbite autour du Soleil. Il suffit en fait qu'il croise d'un peu trop près un autre astéroïde pour être délogé. 2020, CD3 est aussi le premier satellite temporaire de la Terre à être détecté, mais ce ne sera pas le dernier, car d'après les estimations des spécialistes de la mécanique céleste, notre planète attrape en moyenne une fois par an un petit corps d'un mètre de diamètre dans ses filets gravitationnels. La Terre aurait donc en permanence une deuxième lune. Et un télescope arrive qui devrait être capable de les détecter systématiquement. Il s'agit de l'observatoire Vera Rubin, qui verra sa première lumière en 2022. Oui, des satellites. Et on pourrait en avoir plus de deux, du coup. Ça peut pas forcément se limiter à deux satellites. Oui, on pourrait tout à fait en avoir plus de deux. Seulement, la moyenne, c'est un en permanence, en fait. On a toujours une deuxième lune. Sophie, vous faites décidément dans l'animalier cette semaine, oui, avec cette étude sur la psychologie des chiens. Une étude montre que de nombreux traits sont communs à beaucoup de races. Oui, alors si vous avez un toutou, vous connaissez normalement assez bien son caractère. Peut-être qu'il aboie trop souvent, qu'il déchiquette sa balle, qu'il est anxieux quand vous partez, qu'il est parfois agressif. En tout cas, tous ces comportements témoigne de son anxiété. Et en quoi est-ce que ça influe sur son bien-être, voire sa longévité? C'est ce qu'on cherchait à savoir des vétérinaires de l'université d'Helsinki. Alors, ils ont interrogé les maîtres de 13 700 chiens domestiques finlandais. Et ce qu'ils ont constaté déjà, c'est que 72% de ces bestiaux avaient un problème comportemental. C'est assez dingue. Le signe le plus fréquent de l'anxiété est la sensibilité au bruit, en particulier les pétards. Elle touche 32% des chiens. 29% d'entre eux ont peur des autres chiens, peur des étrangers, peur des situations nouvelles. En revanche, l'agressivité n'était présente que chez 14% de ces 13 000 et quelques chiens. Et puis, les tocs, vous savez, le comportement un peu compulsif, à peu près la même proportion, 15%. Alors, certains traits, ont montré ces chercheurs, sont clairement génétiques et dépendent de la race, mais il y a aussi une influence du maître, de l'éducation qu'il a pu prodiguer à son animal. Est-ce que ça peut conduire à une mort précoce? Eh bien, dans un cas assez précis, la réponse est oui, c'est quand l'anxiété de la séparation se double d'une hypersensibilité au bruit. Très bien. Mathilde, au sommaire de Science et Vie. Au sommaire de Science et Vie, l'hypothèse Gaïa, la Terre est vivante. C'est une hypothèse ancienne qui revient aujourd'hui. Et puis un hors-série sur l'intelligence artificielle, car les vraies révolutions en technologie sont rares. Et bien là, celle-ci en est bien une depuis 10 ans. Voilà, deux exemplaires pour le prix d'un. Donc ce hors-série et ce mensuel. Merci à toutes les deux et à très bientôt. Dans les forêts du monde entier, les arbres et les champignons ont tissé des liens indispensables à leur survie. En deuxième heure, nous allons nous intéresser à cette alliance aussi discrète qu'indispensable avec le microbiologiste Francis Martin. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. C'était Riders on the Storm, The Doors sur France Inter. Merci à Johanna Gabric et Tristan Gratalon qui sont à la technique avec nous. Juste après le flash, des arbres et des champignons unis pour la vie.